Wish City, mon appartement. Il était temps de mettre au point les derniers préparatifs. Il nous fallait agir avec précision pour que le plan de Mila marche. Booz ouvrit une bière de roche, but une gorgée et vint s'asseoir près de la télé. Mila avait ouvert le plan des galeries sur la table basse. Il était temps de mettre au point les derniers préparatifs. Ça va pas forcément être une partie de plaisir. Pardon ? Non, je tenais juste à le préciser avant qu'on... Enfin, avant qu'on entame la révision de notre plan. On s'en doute, Mila. On sera aux premières loges. Bon, très bien. Dans le palais, en plein centre militaire, ils ont installé un centre de contrôle. Il est relié à tous les points de défense du territoire Bifwish. Et j'ai récupéré ceci. Elle sortit une petite boule de métal du sac posé à côté d'elle. Waouh, une bille ! Trop fort ! C'est pas une bille. Non, c'est un récepteur. Nous pourrons entendre toutes les nouvelles de l'armée. Ça vous laissera le temps de vous mettre en place et d'attirer les rats dans mon... Enfin, dans notre piège. Elle m'a lancé le récepteur. Il était lisse, brillant, tenant au creux de la main. Ouais, ça va pas être une partie de plaisir. Mila fit glisser la mine du crayon sur le plan des galeries pour y dessiner notre chemin. Booz, tu iras au nord. Toi, Squeak, au sud. À chaque passage, vous boucherez les galeries. Ici et ici. Ensuite, les rats devront, même si la plupart ne vous poursuivront pas, les rats n'auront que pour seul chemin celui-ci, qui arrive directement à la galerie Est. Ouais. Et c'est là que je joue ma dernière partition. Booz a baissé la tête. Hé, hey, toi ! Squeak, il est clair que vous changerez l'avenir de votre peuple. Vous trois, vous défierez les rats. Vous trois aurez seule conscience du drame qui va se jouer. Vous trois, seuls, aurez le courage d'affronter le nouveau monde. Faites pas cette tête. Il en faut un qui reste pour amener tous les rats à la galerie Est. Hein. Le mécanisme pour boucher toutes les entrées de la galerie Est ne s'enclenche que de l'intérieur, alors... Et puis les persévères l'ont prédit. Nous trois, seuls, on peut plus trop faire machine arrière. Mila fixait le plan comme si elle avait peur d'affronter mon regard. Elle dut appuyer trop fort sur le crayon. La mine se cassa. La tristesse, Mila. Vous la ressentirez. Votre cœur, vous perdrez. Seul un autre pourra vous le rendre. Tu iras dans le nouveau monde. Booz essayait de sourire en me regardant. Ouais. Avec un peu de chance, j'aurai le temps de gravir le grand trou et de voir enfin ce nouveau monde. Mais tu ne reviendras pas, Squeak. Non. Je ne reviendrai pas. Vous, Booz, le courage. Putain, mon gars, waouh! Vous allez être courageux. Et vous, Squeak, les trois, vous perdrez le plus pour en gagner tout autant. Allez, arrêtez de faire. La tête, hein. On le savait tous avant de s'y mettre que. Enfin, que voilà, quoi. J'allais pas revenir pour fêter la victoire. Parce qu'on réussira. Mais pour qu'on réussisse, faut se remettre au boulot et que tout soit calé. Très bien. Le seul point qui ne tient pas qu'à nous, c'est où et quand les rats lanceront leur attaque. Et ça, c'est le centre de surveillance militaire qui nous le dira par l'intermédiaire de ce récepteur. Espérons qu'ils arrivent à comprendre que les rats attaquent quand ça se produira. Les rats arriveront, vous les repousserez. Les rats arriveront, vous vous enfuirez. Les rats arriveront, ils pilleront. Les rats arriveront et le sort de vous trois sera scellé. Vous allez changer l'histoire de votre monde, Quick. Vous allez écrire l'histoire de votre monde. Wish City, au cœur du palais. Le centre de surveillance militaire. Galerie 28G, vous me recevez, Galerie 28G? Tout va bien ici, rien à signaler, on patrouille toujours. Alors, soldats, tout se passe bien ici? Plutôt pas mal, enfin je serais d'avis qu'on monte le chauffage, grand général, parce que... Non, rien, pardon, tout se passe bien, grand général. Repos! C'est bien, fils. C'est très bien, tu vas loin. Galerie 79K, ici le centre de surveillance militaire, je viens au checking. Galerie 79K, ROH. Galerie 85YE, ici le centre de surveillance militaire, je viens au checking. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, grand général. Galerie 85YE, ici le centre de surveillance militaire, je viens au checking. Me recevez-vous? Mais pourquoi ne répond-il pas, mon dieu? Aucune idée, grand général. Galerie 85YE, me recevez-vous? Galerie 85YE! Donnons-nous l'alerte, grand général ? Non ! Ça ne peut pas être les rats ! Ça ne doit pas être les rats ! Réessayez ! Galerie 85YE, me recevez-vous ? Oui, centre de surveillance, ici Galerie 85YE. Mais foutre terre, où étiez-vous passé ? Bah, je faisais pipi. Il n'y avait personne pour vous remplacer, on s'est inquiétés ici, nous ! Bah, en fait, on était tous à faire pipi. On faisait un concours pour écrire nos noms sur la tête. Eh ben, avec des bulles pareilles, on n'est pas prêt de la gagner, cette guerre. Soldat, prenez son nom et avisez son caporal que ce soldat est mis en première ligne. Eh bien, grand général. Ça commence à me stresser, cette situation, j'aime pas ça. Espérons que les rats n'attaquent pas durant la nuit des masques, général. Non, ils n'auront pas l'outrecuidance de nous attaquer en pleine fête, quand même. Allez, en boulot, soldat. Eh bien, grand général. Bah, il faut...